Salut tout le monde, je suis Caroline Da Silva et je vous invite à suivre la radio Beke FM. Beke FM jusqu'au bout du monde. Beke FM jusqu'au bout du monde. Bonjour, bonjour à tout le monde. Nous sommes sur les ondes de la radio Beke FM, précisément dans l'émission Boaké d'abord. Et donc, je suis Abdoulaye Sidibé, fondateur et directeur général de l'IFDP Coaching, l'Institut de formation en développement personnel, donc basé à Boaké, dont le siège est à Aounian-sous-Château, sur le prolongement du groupe scolaire Les Lilas Blancs. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de partager avec vous une thématique bien intéressante de développement personnel qui sans doute vous aidera à sortir d'un ensemble de situations qui gouvernent parfois votre vie. Et donc le thème de ce jour, c'est comment se débarrasser des situations douloureuses de notre vie passée et présente. Donc je reviens sur le thème, comment se débarrasser des situations douloureuses de notre vie passée et présente. C'est un thème qui est assez intéressant dans la mesure où chacun d'entre nous est souvent confronté à des situations plus ou moins pas intéressantes, blessantes, qui souvent gouvernent la majeure partie du temps de notre vie, qui nous créent souvent des situations douloureuses, des blessures. En Côte d'Ivoire, on parlera de goumets et tout ça, et des déceptions au niveau de la famille, au niveau des relations, des relations de couple, etc. Donc, nous sommes face à un ensemble de problèmes qui font que souvent, on a des blocages, on n'arrive pas véritablement à avancer. Également aussi, ce sont des situations qui peuvent être liées à notre enfance. Vous étiez petit, on vous a dit un ensemble de choses. Bref, voilà en quelques mots le thème que nous allons développer dans un maximum de 10 minutes. Donc, c'est quoi on entend réellement par situation douloureuse donc de notre vie passée et notre vie présente? C'est l'ensemble des problèmes que nous vivons au quotidien, c'est l'ensemble des problèmes que nous avons vécu par le passé, c'est l'ensemble des difficultés, donc des épreuves, n'est-ce pas, qui, à un moment donné, ont traversé notre existence de sorte à ce que nous soyons marqués, alors là, véritablement marqués. Et donc, l'ensemble de ces situations-là n'arrive pas sans cause. Il y a forcément quelque chose qui est à l'origine, qui est à la base. Je vous disais dans l'entame que on était parfois confronté à des situations familiales. Oh, combien de fois on a entendu des parents dire à leur enfant, tu n'es pas intelligent, tu es stupide, etc. De sorte à ce que ça soit gravé dans la tête de l'enfant et à un moment donné, crée un problème, ce que j'appelle en développement personnel la PNL familiale, donc la programmation neurolinguistique au niveau de la famille. Également, ce sont des situations de violence. On a violenté des personnes par le passé, etc. Donc, c'est un cheminement. Au niveau de l'enfance, il peut y avoir des situations douloureuses qui vont marquer la vie de l'enfant. Et ensuite, quand on rentre dans la période de l'adolescence, il y a même ce qui est qualifié de crise d'adolescence. Donc, il y a des personnes qui, dans leur phase de crise d'adolescence, rencontrent des situations tellement difficiles que ces personnes n'arrivent plus véritablement à s'en débarrasser. Ensuite, il y aura la vie professionnelle ou encore la vie académique ou dans d'autres secteurs où dans le contact avec l'expérience de terrain, on sera confronté aussi à des situations douloureuses. Je prends l'exemple de quelqu'un qui avait une fois souhaité parler en public, mais dont la première prise de parole en public a été une véritable catastrophe. Ou encore quelqu'un qui peut-être avait peur de se lancer dans une relation, peut-être pour ne pas avoir de goumets ou ne pas avoir de chagrin d'amour, et qui décide une seule fois de se lancer pour voir ce que ça pouvait donner. Et en même temps, la personne se retrouve aussi dans un chagrin pas possible, alors que c'est le chagrin que la personne était en train d'éviter justement. Et voilà donc un ensemble de situations qui peuvent créer, qui peuvent donner naissance à des situations douloureuses de notre vie dans le passé et qu'à un moment donné, on ne pourra véritablement pas s'en débarrasser si on n'applique pas un ensemble de règles qu'on va voir tout à l'heure. Let's go. This is your radio, your station. Mais en réalité, quels sont les impacts sur notre vie? Quelles sont les conséquences quand on est dans une situation plus ou moins douloureuse, une situation du passé dont on n'arrive pas à se détacher? Là, le calcul est très simple, c'est comme en mathématiques. Vous avez été blessé par le passé dans une situation spécifique. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'est la même situation qui est en train de se produire. Automatiquement, votre cerveau vous communique que le problème qui vous a blessé, c'est le même problème qui arrive. automatiquement, vous êtes bloqué, vous ne pouvez plus avancer vers ça. Parce que vous vous dites que ici, vous allez vous blesser. Pour donner une image claire, quelqu'un qui s'est cassé une fois la figure devant un public, donc il y a une douleur dans ce cadre-là, la personne arrive et on lui dit « bon, tu vas parler devant un public ». La personne imagine automatiquement le scénario du passé. Donc, je vais me casser la figure, la personne ne va pas oser aller. Vous voyez que ces opportunités se ferment. Peut-être que c'est à travers la seconde prise de parole en public que la personne allait avoir des opportunités. Mais là, du moment où l'esprit a été concentré là-dessus, il y a un fermement, il y a un blocage qui fait que la personne ne pourra pas véritablement avancer. Également, ça peut être dans les relations. Une première relation qui n'a pas marché, automatiquement, on s'est dit que toutes les autres relations seront pareilles. Voyez un peu. Donc, il y aura des impacts du passé dans le présent et du présent dans le futur. Donc, chaque fois, c'est une chaîne. S'il y a un problème ici et qu'on n'arrive pas à résoudre le problème, on se retrouve avec le même problème que nous traînons au fur et à mesure. Si vous avez été concentré dans la maison par la famille, à un moment donné, vous ne pouvez plus vous en sortir parce que vous êtes tout le temps fermé. On se retrouve avec des personnes timides, des personnes stressées qui ne peuvent pas sortir de leur bulle de confort. Mais en réalité, comment sortir de tout ça? C'est un peu la substance de notre thématique. Donc, nous, on vous donne un ensemble de techniques que vous pouvez appliquer tant à la maison, en communauté et ailleurs. Je disais que, j'aime à le dire, les aigles ne volent pas avec les mouches. Les aigles ne volent pas également avec les corbeaux. Donc, tout simplement, commencez par créer un environnement. Un environnement de personnes positives, de personnes qui ont envie d'aller loin, de personnes qui ont envie de vous aider à surpasser les épreuves de votre vie. Deuxième chose, à part l'environnement, ce sont les séances d'immersion. Il faut pouvoir se plonger dans votre véritable passé. Parce que tant que vous serez en train de nier une situation difficile, certaines personnes se disent par exemple, non, moi, c'est pas grave, non, c'est rien. Alors qu'en réalité, c'est grave. Quand vous êtes dans le déni, vous êtes en train de nier réellement la situation qui est là, alors que c'est une situation réelle, ça ne vous permet pas de vous développer. Vous restez toujours fermé parce que vous êtes dans une réalité fictive, une réalité qui n'est pas la réalité véritable. Donc, il faut commencer déjà à accepter qu'il y a un problème, et maintenant faire une séance d'immersion pour nettoyer et bousculer, changer le cours des choses. Comment faire la séance d'immersion? Nous, on peut vous aider. C'est un travail qui est beaucoup plus axé sur le cerveau, qui est beaucoup plus axé sur le nettoyage du cerveau, etc. Un autre élément, c'est la programmation neurolinguistique. Il faut se déprogrammer, se reprogrammer. Et si vous n'arrivez pas à déprogrammer, reprogrammer votre cerveau, le cerveau, on aime à le dire, le cerveau ne fait pas de négation. Si tout à l'heure on vous disait, et essayez ça à la maison pendant que vous écoutez, ne pensez pas à un stylo rouge. Ne pensez pas du tout à un stylo rouge. Je le répète une troisième fois, ne pensez pas à un stylo rouge. Donc après, vous essayez de me dire si vous n'avez pas effectivement pensé à un stylo rouge. Mais la réponse est que vous avez pensé à un stylo rouge. Alors que je vous ai demandé de ne pas penser à un stylo rouge. Donc déjà, votre cerveau a été programmé à penser à un stylo rouge. Alors qu'on vous avait même donné la consigne de ne pas y penser. Donc il y a la programmation neurolinguistique qui peut vous permettre de sortir de cela. On vous programme, on vous déprogramme. On déprogramme d'abord ce qui existe comme conception négative, comme tout ce qui est mauvais. Et on change le contenu, on remplace le contenu par un autre élément qui fait partie du processus qu'on va appeler la puissance de la pensée positive. Rappelez-vous, le cerveau est comme un jardin. Si vous avez bien nettoyé, il y aura de bons fruits, il y aura de bonnes choses qui vont sortir. Si vous y avez mis des choses qui sont pas saines, des choses qui sont pas pures, qui ne sont pas propres, ce qui va sortir, ça sera négatif. Si vous mettez de la haine, vous n'allez produire que de la haine. Si vous mettez de la tristesse, c'est la tristesse qui va également ressortir de votre cerveau. Donc, nous, on va travailler là-dessus à votre niveau également pour vous faire comprendre que vous devez chaque jour avoir de bonnes pensées, des pensées pieuses, des pensées sincères, des pensées pures, de sorte à ce que les situations qui semblaient être douloureuses dans votre vie puissent s'éteindre, puissent disparaître. Voilà un ensemble d'éléments que vous pouvez appliquer si vous voulez sortir des situations les plus douloureuses de votre vie, si vous voulez vous débarrasser de ce genre de situations. N'hésitez pas à appliquer la programmation neurolinguistique, appliquer la puissance de la pensée positive, appliquer les séances d'immersion également, créer un environnement propice pour que ça puisse réellement se réaliser. Et voilà, pour clore, nous allons vous donner invitation au sein de notre siège à Ognon-sous-Château sur le prolongement du groupe scolaire Les Lilas Blancs. C'est le centre de formation et développement personnel IFDP Coaching. Donc, passez nous voir à l'Institut. On va vous donner toutes les techniques et en même temps, nous vous invitons à nos différentes sessions de formation, le séminaire d'aptitude à la prise de parole en public. Il y a également la formation des coachs formateurs en développement personnel qui a été lancée. Nous avons pas mal de programmes. Nous vous attendons. Un contact, le 88 05 94 47, 88 05 94 47 ou encore le 78 80 10 65. Et pour boucler, comme on le dit en tautologie ivoirienne, boucler la boucle, le 07 56 83 24. Ça, c'est mon numéro personnel pour ceux qui ont besoin d'un coaching personnalisé. Je vous remercie. PKFM jusqu'au bout du monde.